Chapitre 273, l'interdiction de mépriser les musulmans. Allah Ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Sourate 49, verset 11. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Sourate 104, verset 1. 1574. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il suffit à l'homme, pour commettre un mal, de mépriser son frère musulman. Muslim. 1575. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur la plus petite trace d'orgueil. Un homme dit: mais les gens aiment porter de beaux vêtements et de belles sandales. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah est beau et il aime le beau. L'orgueil, c'est le refus de la vérité et le mépris des gens. Muslim. 1576. Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: un homme a juré, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah azza wa jal dit: qui donc jure sur moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Eh bien, je lui pardonne et j'annule tes œuvres. Muslim. 1576.